Wow, wow, wow, wow, hey, stop, stop. Mais, attends. Putain, qu'est-ce qui t'arrive, Emel? Un peu de courage, on va y arriver. Ok, c'est un son un peu plus doux, quoi. Ouais, d'accord, j'ai les sons dans le casque. Jackson, Bezos et Mike. Mon histoire, c'est dans le sang. Que le plomb, ses racines, c'est dans la boue. Que le train à bouche ouverte, elle a besoin de la médecine et du savoir. Mais non pas que le pouvoir, car il faut qu'on la vaccine. Qu'elle quitte l'illusoire, mon histoire c'est mon today. Qui vit dans le poubelle, c'est mon coup d'œil. Dans le passé, c'est mon suspense de l'avenir. Je parle de ces douleurs que l'on voit venir. À force de haïr, j'ai fini par comprendre qu'à force de mentir, même l'amour peut se faire vendre. Mon histoire qui prend début dans les mains des grands débiles qui jouent des deals. Sur ma terre, je la partage, apprends à goûter au carnage. Mon histoire, c'est maintenant que je l'écris. Mes paroles sont éteintes, il me reste que des cris. Mon passé, c'est les rouges qui la repeint. Y'a l'autre pluie qui coule, mais c'est des doux qui l'ont dépouillé, ça craint. Où sont nos terres sacrées? Enfouis dans l'oubli, y'a que la fumée des bombes qui puent. Cette gueule que l'on voit éteindre nos lumières, c'est la métamorphose de la paix d'hier. Je veux relâcher tout ce que j'avais pour passer sur ce pavé. Ce chemin de l'avenir, ces conduits dont je rêvais. Le vide était devant, je me suis jeté là-dedans. Peu importe ce qu'il y a au fond, on ne contrôle pas les sens divins. C'est dur de ne pas choisir quand on rêve d'un vrai but. On est content d'y aller, quoique la sortie est petite. Ne me dites pas que la vie nous est bien prédestinée. Que l'avenir nous est tracé, que le bonheur est inné. Ne me dites pas que la réussite est méritée par tous qui l'ont gagné, car des fois on peut hériter du même sort que le Seigneur. La mort n'est pas la fin, mais crois pas que c'est un bon début. Je protège mes arrières et j'avance pas tel un débile. Comme le temps au cœur des âges, l'amour au cœur des hommes et la haine dans le monde. Les esprits se combattent, les mœurs l'emportent et les pauvres tout supportent. Des fois, le noir engloutit mes pensées, tout comme la gueule amertrit mon passé. Il m'a appris à observer. Et j'ai compris qu'à l'aube de ce monde sans lendemain, de ce monde qui m'a tout pris, qui m'a tout volé, j'ai vu pays de l'espoir, mourir des leaders pour le compte de la guerre. La force des humains s'est forgée par la survie. Y'a les temps qui s'écroulent et l'histoire s'endurcit. Haussée d'une porte sans entrée, au parloir d'un désir massacré. L'avenir s'est voilé de son échec bien ancré. J'ai fort combattu un militaire. Moi j'héritais, moi qui méritais. Le monde est juste, les hommes y font la loi. Et l'humanité signe l'injustice. Le tarmac est mis en place, moi je vais prendre le premier vol. Je vais là me reconstruire, on se voit au terminal. Moi je suis pas du genre à attendre le tribunal. Le ciel, mes frères, c'est tu au pied au final. Déclamer des discours, on a coincé l'homme du mal. La vie est trop petite, le temps est si minime. Je rêve de celle que dira, bizarre, toi sans rien, moi je t'aime. Les anneaux, on apporte les jours des mariages. Et la robe des mariés, on en oublie juste le lendemain avant que la demande de divorce ne tombe sur la table du marié. Le diplôme, on en obtient chaque semestre, un à un. Les doctorats finissent par vaciller, tomber bousillés aux ordures. De là où je viens, la vie normale, c'est la haine. Chacun a ses soucis, y'a pas le temps de dire je t'aime. Là d'où je viens, les gens meurent en centaines. Y'a pas le temps des larmes, y'a pas le temps de que la peine. Le tiers-quart de mon enfance, dans tous les coins, il a souffert. Qu'a-t-il fait à l'univers pour être comme et mal de terre? Qu'a-t-il fait à l'univers pour être comme et mal de terre? Pour être comme et mal de terre. Si j'écris mon mal du passé, je décris mes moments des excès, de mes blessures, de mon sourire tout effacé. C'est parce qu'il y a une raison, que cette vie c'est pas mon temps, en tout cas pas ma belle saison. Jusqu'à là, j'espère que c'est pas tard de tout chercher dans ces terres et de vous les offrir dans de verres.